comment tout a commencé? Je vais vous raconter. À l'amour, je n'étais pas initié. Ton number, on m'a passé. Plus le temps passait, plus on s'appelait. Ouais, au mobile, on se parlait. Vite apprécié, puis attaché. Je suis venu, le paysage aperçu, moi. De ton visage, un sourire et baiser reçu. Puis c'est l'heure, je pars. J'aurais aimé rester plus. Eh femme, ce soir avec toi, mon âme est calme. Ce qui compte, c'est de te voir sourire. Oui, le shit m'a been slim. Je suis fou du goût de ton cou. Toi et moi, déjà intime. Tu me fais craquer. Je suis accro, tu es accroqué. Écarte les faux, le rap aussi ta cause. Non. Écoute baby, en ta compagnie chaque nuit est magique. Chérie, tu es mon énergie. Je suis vénère, tu calmes mes nerfs. Je te remercie. Complice, on s'enlace, s'embrasse. Tendresse, caresse, presque sexe. Ah, le peur à ma foi. Toi ma femme, la joie de mes doigts. Oui, tout m'est égal, la nuit se passe toi et moi. J'aurais pu t'offrir une rose, mais j'ai préféré t'ouvrir ma prose. Voilà quoi pour toi. Un jour, le téléphone sonne. Allô? Écoute, Florence déconne. Elle a embrassé un autre con. Merde. Je rêvais d'amour éternel. Existe-t-il? Me suis-je trompé? Elle t'a trompé. Puis je la rappelle. Mais que se passe-t-il? Moi, je te kiffe. Tu me quittes, me kill. Elle me dit désolé, je t'aime. Moi, adieu. Puis je la harcèle au fond d'elle. Non, c'est fini, me dit-elle. Tu m'as blessé. Adieu. Sur moi, la faute était rejetée. Alors très défoncé, arrimé, j'ai commencé. Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne. Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne. Le téléphone raccroche, à son style je m'accroche, mon esprit nous rapproche. T'ai-je déjà demandé de ne pas me quitter? Jamais j'aime ma fierté, mais tous deux nous y avons pensé. Ok, par sous-entendu demandé, telle une sirène, tu as essayé de me noyer. Amour toujours, certaines femmes contrôlent les hommes. Ma parole, quelque chose déconne. Suis-je qu'un homme aux pensées folles? Suis-je qu'une loque quand je me drogue? Au final, dors, je te décore. Métaphore, ouais, cette femme sur un piédestal. MC Solar, Maxi, Espagne. Mon talon d'Achille, mes nuits, ma vie, tout triple six fils. Si moi je suis le diable, certaines femmes me sont égales. Je me meurs de l'intérieur, je pleure la peur, la terreur au cœur. Seconde se transforme en heure. Six spirale cérébrale infernale. Si adolescent, ce qui se passe là-dedans. Moi pas comprendre, y'a pas que toi grand. Je puise ma force dans la mort. Ça m'épuise, mais l'espace d'un temps je me sens si fort. Si c'est de force qui renforce à l'intérieur de l'écorce. Dans ses pensées, quasi impossible de bomber le torse. D'accuerdo, me raccuerdo de los hechos. Ouais, je me rappelle que de cette peine je voulais me noyer. C'est à coup de Henken que je pensais me bourrer. À la demeure me défoncer. Confusion, je m'énerve, me rebelle. Ta mienne, ça vrai papel. En fait, cherche ta direction. Si ce soir tout semble sombre, je ne suis qu'une ombre. Je suis succombe à son nom. Sa voix au téléphone est une seconde drogue. Repense à son parfum, ses formes, son charme. Ce soir, ouais, accompagné d'une flamme. L'image de son visage, repensant sûrement perdu mon temps et laissé trop de sang. Je souffre sur chauffe à quand le dernier souffle. Dis-moi comment remonte la pente. Souffrance, l'amour me hante. Souvent me tente. Cœur brisé par peur prisonnier. Aux hommes qui ont goûté à la pomme empoisonnée. L'amour et ses secousses me poussent à bout. Ouais ok, c'est la merde. Les sirènes et leurs belles promesses m'emmènent. Des séquelles, bordel, je me fais des films. C'est peut-être de famille. Moi je vais mal, décalqué, décalé, déboussolé par le rap consolé. Adolescent patient, insubconscient, me sciant, non content. sang. Dans sous la rosa des rues. Et ouais mec, tu te fais niquer. Pourquoi? Parce que je peux pas parler. Ouais de stress, je perds mes lèvres. Car regarde en face, soulève tes traces. Une nuit je me suis dit, depuis que cette fille m'a quitté, c'est ma vie qui s'est arrêtée. Non. Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne. Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne. Puis le temps a peu passé, ouais avec le temps, l'amour que je te portais, moins aveuglant. Dis-moi, à quoi ressembles-tu maintenant? Eh bien une salope de 20 ans, en soirée bourrée, en train de chauffer des queues, mais apparemment tu m'as aimé et très vite oublié, hein. Orgueil dans l'œil, écrire et rire de deuil, réfléchir avant d'agir, rage de vivre, âge de dollars, âge de foyard. Ma vie est chaude, à qui la faute? Je souffre, je doute, c'est propre à l'homme. À bout de souffle, je m'étonne, salome. La cosa que represento mi barrio. Oui, c'est osmose et grandiose, je finis accro. Si petit, je suis curieux. Chéri, j'ai grandi et fini furieux. La magie de mes yeux de feu. Fable de diable, moi fiable, taffe mon âme, par balle sur table, trop stylé, en train de rapper, très bourré. Ce gars place du caca dans sa camelle, mais c'est un camé. On vend toi qu'une caïra, je m'égarga, car le soir le rap de Kayanda, Kaya, Kaya, Rimpan, Baskai, Kwadai, je braille mes entrailles, de psychoman, le charme, gentleman, soldat, mon blaze, si très cessé, j'ai décidé de dessiner ce qui est censé m'apaiser, si, si, réponds. Ces bruits aspects qui m'étonnaient, qui voulaient me déstabiliser, j'ai délaissé. Bit, mac, tic, tac, zic, flac, quoi. Au début, poésie douce, devenue rime haineuse. Oh, si un type m'a forme que de dehors sont mes paroles, ça alors, bah d'accord. Eh hey, gars, regarde les hommes et les femmes en face. Hombre, géré, crevé l'abcès. Ouais, c'est clair, elle en jette. Et tu restes sur ta branlette. Merde, mec, assistant direct à son attirance. Saisis ta chance, pour l'instant trop de stress dans le chest, manque de chance. Ouais c'est clair, cette gonzesse me plaît bien, mais le putain de problème c'est que je perds tous mes moyens. Puis je salis ton image, ton visage par plaisir. On me dit misogyne, imagine, je passe de tu es mignonne, tu es mienne, de moi tu es même, toute mon âme. T'aimes, ah, je saigne. Pour finir, je m'imagine que je dresse. Extrême, obscène, hardcore, atroce. Mec, si t'es nuit, ta haine, tu te rappelles. Celle qui fait que t'emmène. Tu écoutes différentes têtes, différentes planètes. Si ça varie en style et en rime, l'écrit, une doctrine intime. Oui, c'est là où tu oublies les tracas de ta vie. Et moi, je prie pas, mais mon esprit, oui. Putain, si j'y parviens, c'est parfait. C'est monstre, peut-être. Petit j'étais le poney, aujourd'hui je suis le mec vénère. Tu apprécies mon cœur de pierre, hein? Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne. Tant de stress, manque de tendresse, chant détresse, adolescent SOS, si drame dans l'âme, cette arme soigne.